Ah ben moi je le savais aussi. Jeudi bon bouilli, mardi poulet rôti, mercredi caille perdri. Jeudi, dans le frais, vendredi, samedi, dimanche, nous boirons et lundi, nous recommencerons. Oh, oui, c'est ton set, mon ouais. C'est tout commencé. C'est inférieur, qui j'appelle ça. Eh oui. Eh oui. Bon, ben moi, je vous laisse discuter. Hein, parce...